Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock'n'roll, musiques expérimentales diverses et variées, aura une couleur plutôt garage. Ce soir, le garage rock, un truc qui nous vient du fin fond des années 60. Et chaque nouvelle génération rajoute sa touche et revient à ses fondamentaux qui sont quand même généralement assez suffisamment simples pour être compréhensibles par tout le monde, c'est-à-dire basse, guitare, batterie et format couplet refrain, mais suffisamment aussi varié pour amener des nouvelles choses à chaque effectivement génération. Et là, on va utiliser comme fil rouge un groupe des années, on va dire 90, français qui s'appelait les Soucoupes Violentes et qui était le parfait exemple en fait du groupe garage qui reprenait à la fois des vieux standards des 60s et qui essayait un peu de les transformer à sa propre sauce. Donc 2 heures de garage avant la dernière partie de l'émission. J'espère que ça va vous plaire. Normalement, le garage, ça plaît à plein de gens, donc c'est parti. J'entends siffler des millions de balles. En première page de tous les magazines, l'armée des villes monte en première ligne. Quitte la capitale, Paris c'est fait, Paris c'est fait. Hardy, Hardy. Les soldats des usines montent en masse déserté. Ils ont le brassard noir et le regard inquiet. Sur les écrans géants des grands cinémas, la vodka a remplacé le Coca-Cola. Quitte la capitale, Paris c'est fait, Paris c'est fait. Désormais libérée du souci d'encourager les luttes des opprimés, la nouvelle ligne éditoriale ne rechigne pas à s'ouvrir aux sirènes néolibérales ou guerrières, comme le prouve ce texte de Peter Van Ham, directeur du programme de gouvernance mondiale à l'Institut néerlandais des relations internationales Klingendael à La Haye et professeur au Collège d'Europe de Bruges. Et que dit-il, ce monsieur Van Ham, qui au vu de son pédigré doit être ce qu'on appelle communément une grosse tête? La même chose que mon grand-père, qu'il faudrait une bonne guerre. Oh, Après la... Cha-cha-cha. Non plus pour mettre au pas les chevelus beatniks qui voulaient porter des pantalons à pattes d'éléphant, faire l'amour librement et travailler le moins possible, mais parce que l'union doit se défaire de son image aimable, féminine. Il est essentiel qu'elle devienne méchante et s'engage dans des interventions militaires, même sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle ferait ainsi savoir à ses partenaires internationaux que l'Europe joue en Ligue des Champions et en même temps, elle signalerait à ses citoyens que c'est elle, et non pas les États qui la constituent, qui prend en charge les affaires de sécurité et de défense. Mouche, c'est cruel à la fin. Car faire la guerre nous a traditionnellement, appris qui nous sommes et que les guerres créent une expérience partagée et un sentiment d'appartenance commun. Fire, I'm on fire. En dépit de la variété de leurs origines et de leur terrain, les contributeurs du livre partagent une perspective théorique relativement homogène. Pour simplifier, il y a deux grandes façons de discuter des évasions. L'une consiste à les décrire, les compter et à mesurer l'influence des facteurs explicatifs. Il y a plusieurs façons de s'évader de prison. Ce qu'on voit dans les films, creuser un tunnel, ramper dans des conduits d'aération, sauter sur un lampadaire depuis un mur d'enceinte, et ce qui arrive le plus souvent, profiter d'un transfert au tribunal, à l'hôpital ou dans une autre prison, ou encore plus simplement d'une permission pour ne pas revenir. L'autre façon de parler des évasions est de s'intéresser à leur signification, à la fois pour les prisonniers et le système carcéral, mais aussi pour la société et le pouvoir. You put it beyond the ways that you drive your brain. You know you drive me insane. Drive me insane. The way you go and you carry on here, it makes you feel like I've got you near. You know that it puts you down. Of Zeus causes me to do so sin. You know that I am playing better. You drive a good sin. Drive a good sin. There's our bill like the USA. You know you're driving me insane. Driving me insane. Fait la part belle aux approches anthropologiques et aux cultural studies, et ses premiers chapitres s'intéressent aux significations que prennent les évasions dans la vie quotidienne des détenus. Il montre par exemple qu'après les tentatives d'évasion, les gardiens durcissent les conditions d'incarcération de tous les prisonniers. Ou encore, l'évasion est un projet qui ne peut jamais vraiment être mené à terme, car une authentique évasion consisterait à revenir à sa vie d'avant la prison. Les prisonniers construisent leur estime d'eux-mêmes en planifiant et en exécutant leur évasion, peu importe si l'évasion réussit. La planification des évasions implique de faire confiance à des codétenus qui sont tentés de dénoncer ceux qui se trament pour récupérer des avantages personnels. Les évasions s'inscrivent souvent dans un contexte politique particulier. Elles permettent, par exemple, à la population de se moquer d'un État incompétent et corrompu. De même, les évasions de masse dans la Tunisie révolutionnaire sont à la fois l'occasion de célébrer la chute du régime et le point de départ de panique liée à l'augmentation de la criminalité ou aux rumeurs de manipulation pour établir l'ancien pouvoir. Enfin, les conditions déplorables des quartiers de haute sécurité dans la France des années 1970 ont suscité des protestations des détenus qui ont finalement conduit à la fermeture de ces dispositifs. You keep me in the dark. All I can do is bow. There's only Le principe, les portes du studio ouvertes. Et une invitation à jouer collectif. À venir faire entendre un son qui lancerait définitivement l'été. Ce sera des anciens invités qui repasseront par là, des futurs invités qui donneront un avant-goût de ce qui viendra. Des auditeurs, des amis, des gens qui aiment le son et qui sont dans le studio, un verre à la main et l'oreille tendue vers le ciel. So fine, I wanna make you mine. I can't make you fine. moi, peut-être l'emblème de la fragilité, ça serait ce qu'on appelle en musique, et pas seulement en musique, le phrasé. Le phrasé comme une manière de dessiner vraiment une sorte de ligne ou de lien peut-être entre les choses et qui est fragile parce que c'est irrépétable, parce que c'est chaque fois singulier et chaque fois ça menace de se casser la figure, de se défaire et c'est à refaire. Mécanique, tu peux excuser-moi ta musique. Un à un, je balance les classiques. Machine à sous, j'encaisse le fric. Titaniste de mon métier, mon mission s'est envolée. Je crois que j'ai tout caché, de l'autre part des soleils. Dans les souhaits. Gabriel Attal, il aurait dû inviter l'ENA Situation, ça parle aux étudiants. Oui, mais elle, au moins, elle représente une grande école. De quoi ? Après, il faut aussi inviter Sciences Po Situation, Assas Situation, l'ENS Situation... Yeah. ce qui se passe. Ne me regarde pas, le monde est dégueulasse. Je veux rester à ma place, je veux rester dans mon lit avec ma petite amie. Je veux rester dans mon lit, dans mon lit pour la vie. Il s'appelle Axel, enfin c'est le nom qu'il a choisi. Il a la trentaine, banal, jean, t-shirt, sobre et détendu. Il vit à Lyon, dans une toute petite chambre de bonne du centre-ville. Il fait des boulots saisonniers dans la région et touche à l'occasion le RSA. Il est actif dans le milieu militant, associatif, il va dans les repas de quartier et dans toutes les manifs. Au moment du CPE, il a été très impliqué et il est revenu aussi fervent lors des mobilisations contre la loi travail. Well, pense une mot comme on dit je vais aller. She meant you. My mother's gonna be a dance tonight. You gotta teach me double forget. Mama, if I can't do it right, you know she was gonna steal my chick. Come on, teach me how to. She meant like you and daddy too. Come on, teach me how to. She meant so I can. She meant she meant you. Come on and teach me how to. She meant like you and that it you. Come on and teach me how to. She meant so I can. She meant you. Et moi là, je fais quoi? Je me casse, non? Chez Luigi. J'habite au premier. Bon, je me casse. I can't be a monster.

Don't you ever feel so bad? Là encore, le langage ne semble pas possible hors de telles identités qu'il désigne. On voit bien la complémentarité des deux forces du bon sens et du sens commun. Le bon sens ne pourrait assigner aucun début et aucune fin, aucune direction, il ne pourrait distribuer aucune diversité s'il ne se dépassait vers une instance capable de rapporter ce divers à la forme d'identité d'un sujet, à la forme de permanence d'un objet ou d'un monde qu'on suppose être présent du début jusqu'à la fin. Inversement, cette forme d'identité dans le sens commun resterait vide si elle ne se dépassait vers une instance capable de la déterminer par telle ou telle diversité, commençant ici, finissant là, et qu'on suppose durer tout le temps qu'il faut à l'égalisation de ces parties. Il faut que la qualité soit à la fois arrêtée, mesurée, attribuée, identifiée. C'est dans cette complémentarité du bon sens et du sens commun que se noue l'alliance du moi, du monde et de Dieu, Dieu comme issue dernière des directions et principes suprêmes des identités. Aussi bien le paradoxe est-il le renversement simultané du bon sens et du sens commun, il apparaît d'une part comme les deux sens à la fois du devenir fou, imprévisible, d'autre part comme le non-sens de l'identité perdue, irréconnaissible. Piste de danse, elle sourit aux garçons.